Pour tous vos problèmes électriques, que ce soit industriel, commercial, institutionnel ou résidentiel, les Électriciens du Nord, un incontournable en affaires depuis 1977. Notre équipe possède le savoir et l'expérience pour répondre à tout besoin. Les Électriciens du Nord, 1025 Première Rue à l'Ascension, au 418-347-5103 ou visitez ledn.com. Monsieur Ghislain Tremblay et tout le personnel des Électriciens du Nord invitent toute la population à la classique hivernale de Saint-Ludger-de-Milo et félicitent les organisateurs. On va parler de Thigui Aymon encore. Évidemment, c'est une nouvelle un peu triste. Thigui Aymon qui était une légende à Montréal, certainement. On a parlé à Max Brellet qui l'a bien connu pour le monde des courses. Mais c'est également un personnage dans le monde journaliste, évidemment, qui laissait personne indifférent. Il y a un autre qui l'a bien connu parce que certainement, il est à TVA Sport pour le baseball, mais il y a également des pages dans le Journal de Montréal où Roger Bullitt parle un peu de ce qui se passe à Montréal. Et certainement qu'il a eu l'occasion de rencontrer Thigui Aymon assez souvent. On lui parle. Salut, Roger! Bonjour, Daniel. Thigui Aymon fait 50 ans d'amitié. Ça donne ça une idée. On a passé tous ces moments de course, de baseball, de hockey. Le seul sport qu'il ne suivait pas, c'était le football. Le football, ça ne disait pas grand-chose. Okay. Mais les autres sports, ils suivaient ça. Qu'est-ce que tu retiens le plus de Thigui Aymon? Écoute, Max Brodette a dit que c'est son grand cœur. Écoute, il m'a résumé quelque chose, puis je pense qu'il va être d'accord avec. C'est le gars qui pouvait devoir 1 million à tout le monde, mais pas avoir d'ennemis. Mais je pense qu'il dépasse 1 million. Je pense qu'il dépasse 1 million. Et dans le cas de Thigui Aymon, on rit présentement, mais c'est ça, Thigui Aymon. C'est triste qu'il est décédé, sans aucun doute, mais c'est pas ça qu'il voudra avoir. Tu sais, je vais donner un exemple. J'ai parlé dimanche, avant le Super Bowl, juste avant, il nous a quitté cette semaine. J'ai dit, Thigui, c'est Roger. Il attend des médicaments. J'ai dit, comment ça va? Ouais, il dit, écoute bien, ça va pas pire. Il dit, je m'en vais chanter. J'ai dit, tu t'en vas chanter. Il y avait de la joie. Ben oui, hein? Il dit, il fait un gros party, là, puis je veux pas. Il dit, ben, on va quitter bientôt. OK, OK. C'était sa réaction. Mais est-ce qu'il faisait d'Alzheimer en dernier, je pense, hein? Excuse-moi, Denis, ça a coupé. Parce que là, présentement, je suis présentement étendu sur un lit à l'hôpital parce que je vais me faire opérer bientôt pour une cataracte. J'ai passé des drameurs au cataracte. OK, OK. Il était malade un petit peu, je pense. On m'a dit qu'il faisait de l'Alzheimer. Oui. Est-ce que c'est vrai? Il faisait le diabète dernièrement. Il y avait beaucoup de problèmes avec. On lui a amputé un orteil la semaine passée. Et je pense que c'était pour lui, là, ça a été de gros coups qui a fait mal. Okay. Mais quand je pense à Thigui, quand je dis, c'est toujours la joie. Mm. C'est un gars qui pouvait te faire rire. Et dans notre métier à nous, Thigui, c'était une personne qui livrait un message qui était bien important. Les athlètes passaient avant lui. Ouais. Et souvent, on a des journalistes que c'est l'inverse, dans tous les milieux. Et dans tous les milieux, souvent, les journalistes pensent qu'ils passent avant la personne. Et lui, Thigui, c'était toujours la personne bien avant lui. Je pense à des gens qui ont aidé, des gens qui ont eu du faire. Donne un exemple. Réjean Houle s'est fiancé chez eux un jour à Noël. Okay. La veille de Noël, s'est fiancé chez lui. Les parties de Noël ou les parties pendant l'été, les joueurs du Canadien qui participaient là, les joueurs du Canadien qui jouaient avec lui dans son équipe de balle, qui faisait tourner partout à travers le Québec. Thigui est aimé par tout le monde. Aimé par tout le monde. OK. Mais est-ce que aussi... Je vais te donner deux exemples comme pour arriver, OK? Ouais. Il a chanté avec Joe Frazier. Il faut le faire, le boxeur champion du monde, Joe Frazier. Ouais. Quand Joe Frazier venait à Montréal, il a demandé où est Thigui Aymon. Quand Roberto Duran a débarqué à Montréal pour se battre contre Sugar Ray Leonard, en évoquant de l'avion, il a dit à Régis Lévesque, « Hey, je vais rencontrer Thigui Aymon. » C'est pas croyable. Non, c'est sûr. C'est pas croyable. Aussi, ben, c'était un gars aussi, Max Bodette me disait tout à l'heure, le départ des Expos, il a fait très mal. Ah, mais c'est un... Écoute bien, c'est un gars qui écoutait le baseball à tous les jours. Jusqu'à son décès, il écoutait les matchs des Blue Jays, et les matchs des Expos, il m'appelait trop à tous les deux jours donner son opinion dessus. Il suivait ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup le hockey, mais il suivait le baseball plus que n'importe quoi les dernières années. Il adorait le baseball. Et le départ des Expos, il a fait mal sans aucun doute. OK, OK. Puis c'est un gars aussi qui, écoute, il était très près des anciens Canadiens, des Serge Savard, des Réjean Houle, des... Mais Serge Savard, il est tellement généreux avec Guy. Il a aidé Guy tout au long de sa vie pour en prendre soin. Mais quand tu penses à des joueurs du Canadien, les Pierre Bouchard, Yvon Lambert, Serge Savard, Guy Lafleur, quand eux autres, ils parlent de Thigui Aymon, ils parlent d'un chum. Thigui Aymon, les joueurs commençaient leur carrière, il a fait des vedettes avec ces joueurs-là, qui étaient vedettes. Mm. Mais ils nous ont permis de les faire connaître. On ferait de Montréal à l'époque avec le hockey junior, grâce à Thigui Aymon qui écrivait dans le dimanche matin à l'époque. On remplissait le forum grâce à lui. Mm, mm, mm. Parce qu'il nous a fait connaître, ces joueurs-là. Effectivement. Puis c'est un gars qui était très proche également de Jacques Beauchamp, qui est un icône du journalisme. Jacques Beauchamp, c'est le gars qui l'a ramené au Montréal, du Montréal Matin au Journal de Montréal. Et dans le cas de lui, Jacques Beauchamp, deux gars pareils, respectaient tellement les athlètes. Il savait tout ce qui se passait, sa vie privée des athlètes, mais il n'en parlait pas. Effectivement. Roger, évidemment, c'est un grand qui nous a quittés. Hey, en terminant, Roger, moi, j'ai prédit que les expos revenaient en 2020. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu vas être proche. Donc, c'est la grosse année. C'est la grosse année d'année. C'est la grosse année de décision en ce sens. Est-ce qu'il va y avoir une expansion ou un transfert d'équipe? 2019, c'est une très grosse année pour l'avenir du club à Montréal. Mais il ne se passe rien à Tampa Bay. Il semble que rien se passe encore. Hein? Non, il ne se passe pas grand-chose. C'est encore au même point que c'était. Mais comme je te dis, Montréal attend. Attend pour voir si ça va être une expansion. Tout comme à Québec au hockey, trompez-vous pas. Québécois attend toujours. Les gens qui pensaient que Québécois n'était pas prêt pour l'expansion, ils étaient prêts à faire un chèque pour l'expansion. Mm. Québécois est prêt. Effectivement. Roger, pour les deux équipes. Bonne chance pour ton opération. On va s'en parler durant la saison. OK. Merci beaucoup. Roger Brunette qui rend l'hommage à Tiguimont.